Bon après-midi. Aujourd'hui. Compris. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de. Qu'on fasse la suite de ce qui s'est dit en première partie vendredi. Alors, on me demandait ça aussi, mais j'aime pas tellement faire les suites parce que ceux qui n'étaient pas là ne comprennent pas. Si je résume, bien, ceux qui étaient là sont frustrés. Et puis, j'ai oublié totalement ce que j'ai dit. Alors, De toute façon, c'était pas comme. C'est pas la suite, mais plutôt clarifier. J'ai redit avant. C'est ça, parce qu'on. Vendredi, on a parlé des prisons intérieures, mais on a juste comme. On n'a pas juste comme. On a été dans l'entrée d'une grosse caverne, puis on est ressorti. On a oublié un paquet de places. Ah, ouais, c'est fini, oui. Oui, parce que c'est ça. Puis en plus, ça ne s'adressait pas à. Mais ça s'adresse à tout le monde, c'est ça. Mm-hmm. Mais avant ça, là, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis 2 ans, qu'on a toujours dit qu'on remettait, on remettait. Ferré ou pas? Ça, c'est l'autre volet. Non, mais quand ça trotte, ça trottait, oui. Ferré, la question que j'ai posée souvent, puis qu'on m'a toujours dit que c'était pas le temps, puis on va y revenir, tout ça, c'était... Essaye. C'est ça. J'essaie de retrouver le volet de la question ici. C'est en l'an zéro ou en l'an 1, qu'est-ce qui a fait que l'humanité est revenue à ce point zéro, de recommencer? Qui a décidé? C'est pas le temps de répondre à ça. C'est pas le temps. Puis, on peut-tu parler de l'an zéro, tu parles de l'an zéro du calendrier chrétien? Non, non. Ou tu parles de l'an zéro du calendrier bouddhiste? Ben, tu parles au début, là. Oui. Pas le 2000 ans. Non, non. Bon, OK, mais, on peut en parler. Puis, c'était à quelle fin? C'était pourquoi qu'il revenait en l'an zéro? C'est pas ça qui se passe en réalité. Ça c'est des... C'est des rationalisations humaines. Ça, c'est pas ça à côté de la question. C'est pas ça que je voulais dire non plus. Bon, ben, c'est pas à côté de la question. C'est qui est concerné? Tu sais, c'est tout la... Ah, ah, OK. Ce sont des questions qui sont dangereuses à répondre. Parce qu'il y a des gens qui écoutent. C'est ce qu'on interprète qui est plus dangereux. C'est pas ce qu'on dit. Mais c'est ça, c'est ce que les gens entendent, mais non pas ce que je dis. Il n'y a pas de qui. Est-ce qu'on est tous concernés sur la planète Terre? Tous les humains ne sont pas concernés. Puis pendant un laps de temps, encore de plusieurs années, je devrais ne jamais dire toute la vérité. Mais je peux quand même parler en langage d'oiseau suffisant pour que des individus comprennent. Puis, mais je ne l'aurais pas dit. Ça concerne tout le monde. Et ça, c'est faux. Mais quand tu parles de tout le monde, c'est ceux qui ont une conscience ou... tous les êtres, tous les humains. Non, ça ne concerne pas tout l'animal. Toutes les unités carbone? Non. Non, ça ne concerne pas les insectes, ça concerne pas... Non, mais... les êtres humains. Ça concerne tous les êtres humains, ça ne concerne pas l'animal humain qui n'a pas la capacité d'être un être humain. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne énormément, c'est que ça fait partie ça, des problématiques de l'humain. Il y a des choses plus intéressantes qu'on peut jaser, plus utilisables, mais au départ, je vais quand même te répondre un peu. C'est que l'humain est pris dans la forme, et la forme, c'est quelque chose qui est constitué de plusieurs unités. Ça veut dire que l'humain a l'impression de séparation. Tu es là, je suis ici, mais même ça, c'est une illusion. C'est pas vrai. Sauf que, étant donné que l'humain reste attaché à la forme, prisonnier de la forme, tant que l'humain reste prisonnier de la forme, nécessairement, tout ce qu'il va essayer de descendre en termes d'énergie va le descendre avec de la forme, dans de la forme. Il va le formiser, c'est-à-dire qu'il va en faire de l'information, il va en faire des langages, des théories, des concepts, des fois, des croyances. Et nécessairement, l'humain va toujours descendre l'énergie en fonction des formes auxquelles il est attaché. Donc, est-ce que tout le monde va s'en sortir? La question posée spirituellement, la réponse, c'est non. De ce fait, les spiritualistes vont dire, par exemple, mais c'est pas correct, c'est faux. Mais les spiritualistes s'entendent pour dire que des peuples élus. Donc, ils sont d'accord avec moi, c'est pas tout le monde. Alors, les spiritualistes, qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de... Là, on a une dissonance cognitive, théologique. Pour éliminer la dissonance cognitive, ils vont dire, ce n'est pas tout le monde, mais vous devez être dans ma religion et vous ferez partie de ce monde qui sera sauvé. Alors, ils partent pour convertir les gens. Mais la conversion spirituelle, la conversion, qu'est-ce que c'est? C'est l'obligation de faire en sorte que plus de gens croient ce que je crois, parce que plus il y a de gens qui vont y croire, plus moi je vais y croire. Mais la conversion, c'est une démarche qui fait partie de l'ascension de la conscience de l'homme, mais qui est une démarche colorée dans la spiritualité, parce qu'en réalité, chaque être humain réveillé doit s'arranger pour réveiller les autres dormeurs. Réveiller les dormeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire rencontrer les gens qui ont de la conscience, puis faire en sorte que la conscience s'éveille chez eux. Mais récupérer par l'astralité spirituelle, ben, ça veut dire que tu dois convertir, c'est-à-dire, tu dois réveiller tout le monde, il faut que tout le monde se rende compte que Dieu vous habite. Comme ça, tu sais. Je vous aime. Comme ça. Bon. Donc, ça, c'est la conversion. Sauf que la dissonance cognitive, ce n'est pas tout le monde, mais c'est les gens qui seront comme ceux qui seront ceux qui vont partir. Donc, dans la dissonance cognitive spirituelle avec la récupération face à la dissonance, la conversion entre autres, moi je vais m'arranger pour convaincre les gens que tu ne peux pas, tu n'es pas sauvé. Mais si tu crois dans mon Dieu, tu es sauvé. Mais en réalité, c'est faux. Tu ne peux pas te sauver. Donc, l'animal humain ne se sauvera pas lui-même. L'être humain va se sortir de son problème, évidemment, de la mécanique planétaire, par la compréhension, de l'uniformité, du temps et de l'espace. Donc, par le fait qu'il va être capable de vivre dans l'instantanéité. Le fait qu'il n'a pas vécu dans le passé, mais qu'il vit présentement dans une autre adresse temporelle, et qui est pour l'humain distancé de 2000 ans, ou 3000 ans, ou 4000 ans, ou 50 ans, et qu'il vit dans d'autres adresses temporelles dans l'avenir. Bon, l'humain qui est capable de vivre une conscientisation lucide, l'humain qui vit une conscientisation ascensionnelle, c'est-à-dire, et non pas une conscientisation horizontale, je suis conscient et j'en reste là, donc je suis conscient de certaines choses et j'apprends le reste de la conscience, ce qui arrive souvent chez les individus qui se conscientisent, mais qui ne poursuivent pas un cheminement où ils vont se défoncer. La conversion, ça va être de convaincre les individus que faut que l'intelligence vous habite. C'est bien beau, ça. Mais ça, tu ne peux pas la faire rentrer comme ça. Il y a des mécaniques initiatiques. L'écœurement face à la vie, c'est la grande initiation. Bon, alors, on peut, une antenne supramentale et collective peut s'arranger pour engendrer des initiations, ce qu'une antenne fait. Moi, je ne le fais pas. Il y a des initiations qui font partie de la vie de l'individu, mais moi, je ne suis pas là pour les catalyser ou pour les susciter. Bon. Donc, l'être humain va vivre l'initiation. La conversion, ça va être d'essayer de convaincre les gens qu'ils ont de l'intelligence, de convaincre les gens qu'ils doivent agir comme s'ils avaient de l'intelligence. Alors, agis comme si tu aimais ton prochain. Mais agis comme, fais semblant, joue d'eux. Et c'est intéressant, socialement, ça améliore le contexte planétaire et ça va faire en sorte que les individus qui se conscientisent vont vivre dans un cadre plus cohérent, dans un cadre plus logique, dans un cadre plus esthétique. Sauf que c'est évident que les acteurs qui ne font qu'acter, la robotique, les unités carbone animal-humain, eux, ils ne font qu'acter, il faudra leur donner de nouveaux rôles. Alors, on va leur dire, ton rôle n'est plus de tuer, ton rôle est de sauver. Bon, pour leur donner des nouveaux rôles, ça peut être par la religion, ça peut être par un paquet de mécaniques, ça peut être par la morale, ça peut être par la molle, ça peut être par l'idolâtrie télévisée, les héros de cinéma, ça peut être par un paquet de choses. L'être humain qui se conscientise, lui, nécessairement, il va réveiller des dormeurs. Mais pas, il doit réveiller des dormeurs. Il va réveiller des dormeurs. Donc, le chrétien, par exemple, qui est un être conscientisé, partout où il passe, les gens se réveillent. Le chrétien qui n'est pas un être conscientisé, partout où il passe, il fait de la conversion. Bon, alors nécessairement, ça sera du domaine du martyr, ça sera méritoire, ça sera difficile, ça sera... Il va convertir comment? Toujours en étant martyr, c'est-à-dire que quand tu tues quelqu'un qui continue à t'aimer quand il meurt, tu commences à douter de toute ta structure, toi, qui va détester. Parce que l'amour, c'est ce qui comble la majorité des trous de l'ego. Maintenant que tu l'as tué, tu commences à penser qu'il avait raison. dans la conscientisation, tu te rends compte que l'autre a raison. C'est évident que tu te rends compte que la perfection n'est pas nécessairement établie à l'échelle planétaire. Bon, tel individu est conscient, mais il y a des affaires qui ne conscientisent pas encore. Ça fait partie, ça, de la structure ascensionnelle de l'humain. L'humain n'est pas... l'humain va être polyvalent. L'humain n'est pas polyvalent dès le départ. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'il y a des individus présentement qui, par leur conscientisation, nécessairement réveillent des dormeurs. Et quand on réveille des dormeurs, on vient aussi bafouer, on est subversif en face des traditions, quelles que soient les traditions. Donc, nécessairement, on oblige les acteurs à cesser d'acter ce qu'ils actaient pour acter quelque chose d'un cran nouveau, un cran amélioré. Et l'astral étant une mécanique traditionnaliste, cela veut dire qu'acter quelque chose de neuf ne le nourrit pas, tant que ce n'est pas inclus à l'intérieur. Donc, tout ce qui est mécanique astrale va tout faire, non seulement pour empêcher les dormeurs de se réveiller, la culpabilité, ces choses-là, ça peut aider, et il va tout faire pour détruire ceux qui réveillent. Détruire, ça peut être physiquement, mais ça, c'est à peu près plus ça, parce que ça nuit trop dans l'astral quand la personne se ramasse là. On va surtout détruire en parlant de secte, par exemple, en disant que c'est une secte, ça, c'est une forme de culpabilisation. On va parler en disant que t'es fou, t'es malade, t'es anormal, mais pour quelqu'un qui se conscientise, à un moment donné, la normalité devient un compliment, donc c'est pas on l'a pas du tout. Hey, t'es normal, toi, ben c'était normal, ça le dérange pas non plus. Plus ça va aller, on va s'arranger pour encore son intégrité morale, on va essayer de trouver des choses sur lui, sur elle. L'astral au complet veut pas qu'on réveille les dormeurs. Pourquoi? Parce que les dormeurs sont ceux qui rêvent. Quand chaque personne va se réveiller, puis qu'on va se réveiller suffisamment pour se réveiller totalement, on ne rêvera plus. Le rêve n'existera plus. Mais quel est le lien? Le rêve, il ne tient pas ce qu'on se réveille. Ouais. Quel est le lien entre le fait qu'il faut réveiller les dormeurs et puis le fait que... Pourquoi? Ils vont se réveiller. On a du contact. Ils vont se réveiller. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de la conversion. Mais c'est quoi il y a un lien, je le sais, je ne le vois pas, là. C'est entre on a mis l'année à zéro, puis on a commencé, ou à un, puis on a commencé, puis quand... Tu parles de 2000 ans ou avant ça? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on part à zéro. De 2000 ans. Bon. On n'en parle pas. OK. En chronologie, c'est les chrétiens... Ça, c'est plusieurs années après, ça fait bien longtemps après. Les chrétiens ont décidé de comptabiliser la création, l'ère nouvelle, parce qu'effectivement, il y a un être nouveau qui est apparu, intuitivement, évidemment, à partir du passage du Christ, donc de sa naissance. Mais est-ce que c'était à partir de ce moment-là qu'il a été décidé que les dormeurs se réveillaient? Oui. Qui a décidé? C'est pas qui. On constate. Okay. Le passage de Michael a fait en sorte de réveiller quelques dormeurs. Avant, il n'y en avait pas de réveiller. Il y avait du monde sage, du monde en contact, mais pas du monde conscient. Autrement dit, à partir du Nazaréen, puis le Nazaréen lui-même n'est pas parvenu à le faire totalement, pas sur la planète Terre. Il l'a fait en dernier, mais on n'en parle pas. À l'instant où un être est capable de dire « je fais la volonté de mon Père », à la condition que sa volonté fasse du sens. Là, on a un dormeur réveillé. Bon. C'est évident que si on parle de dormeur et de réveillé, on peut retourner à Siddhartha Gautama. Bouddha, ça veut dire celui qui s'est éveillé. Mais lui, il ne s'est pas éveillé, c'est-à-dire que lui, il s'est réveillé dans le rêve. Comme j'ai expliqué à un moment donné, il s'est réveillé dans le cauchemar et il a compris la gestion des lois à travers le cauchemar. C'est-à-dire qu'il a dit aux gens, la voie du juste milieu, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez plaire suffisamment à l'astral et déplaire à suffisamment peu d'astral, vous allez être bien. Tu veux fumer? Fume juste ce qu'il faut. Bon, la voie du juste milieu. Tu prends l'autoroute métropolitaine, les trois voies, roule au centre, on se voit plus vite. Ce bord-là, ils ont des problèmes, ce bord-là, ils s'arrangent en centre, la voie du juste milieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On t'autorise 15 femmes, prends-en 7,5, la voie du juste milieu. Alors, Bouddha a amené l'idée de la voie du juste milieu. Krishnamurti va ramener l'idée que le juste milieu, c'est quoi? C'est se sentir bien. c'est éliminer la culpabilité. Ça veut dire que je fume, tu fumes une cigarette, j'en fume 15, il en fume 30, je suis correct. Bon, j'en fume 15, il en fume 7, il en fume 6, 3, 8, 1, ma santé va être attaquée. Alors, je vais descendre à 2, 3, la voie de juste milieu, pour me sentir bien. Je vais pouvoir me trouver que tu fumes trop. Puis que toi, peut-être, tu souffres de ne pas fumer beaucoup, tu t'en tiens trop. Oui. Mais non, la voie de juste milieu, c'est ça. Et dans la conscientisation, celui qui s'éveille réellement, c'est celui qui va se rendre compte que tout ça au complet fait partie de l'illusion, qu'il peut comprendre la mécanique utilitaire de la cigarette, il peut comprendre aussi le pourquoi, à un moment donné, on doit l'éliminer. Au niveau de l'agression physique, c'est une chose, mais au niveau de l'esclavagisation de l'humain, c'est une autre chose. Mais il va comprendre que pendant un laps de temps, il va continuer à fumer, sachant que ça fait ceci, cela, parce qu'il comprend aussi que ça fait ceci, cela. Le positif, il ne se fiera pas au mode de l'humain. Ceux qui ne sont pas réveillés vont se fier au mode, évidemment. Donc, ils auront philosophie alimentaire, philosophie de vie, philosophie sportive, philosophie de tout ça. Puis c'est dangereux, la philosophie, il faut comprendre la mécanique, puis après ça, on applique les mécaniques. Parce que, actuellement, je comprends qu'à tous les fois quelqu'un a décidé, entre parenthèses, de partir à zéro, c'était pour se conscientiser à quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on constate que l'orgueil humain, évidemment. Oui. Bon, si le troisième Reich avait abouti, on rechronométrait à partir de l'an zéro du Reich. C'est ça. Bon. Mais eux autres, il n'y avait pas une conscience de réveil ou de... Non. Mais souvent, c'est fait comme ça. Les Juifs ont leur an zéro, la création de la Terre. En réalité, la création de leur peuple au niveau de la capacité d'absorption de la lumière, de l'intelligence. Nous sommes présentement en l'an 23 de l'ère nouvelle. Oui, c'est ça. 23, c'est pas un bon chiffre. D'abord, on met ça un an avant, parce que peut-être c'était perçu un peu avant, donc on est allé à 24. 24, c'est le meilleur chiffre, c'est une bonne année. En numérologie. Oui. Parce que les gens sont là, on est en l'an 1992, on additionne, on additionne, on additionne. Le Nazaréen est né 7 ans avant. Alors, de quoi tu pars? En plus, l'an zéro n'a jamais existé. C'est pour ça que c'est difficile à parler de ça, parce que finalement, ça se passe tout en même temps. C'est ce qu'il faut comprendre présentement, c'est que je suis présentement vivant là, 2000 ans en arrière. Je suis vivant ici, je suis vivant là-bas, je suis vivant là, 1000 ans, là, 900 ans, là, 800 ans, là, 52 ans. Je suis vivant à bien des places. Alors, à un moment donné, ça ne sert absolument à rien de dire nous sommes dans quelle année, qu'est-ce que ça va donner, peut-être. C'est intéressant pour l'acteur qui n'est pas conscient de la chose. Il a besoin de cette mécanique-là parce que ça lui permet de se centrer dans le système de vie. C'est-à-dire que ça lui permet de se découper, de se déconnecter, plus justement, de se déconnecter des autres temps dans lesquels il a des relations. Parce que l'être humain a de la difficulté à supporter sa vie. Il ne peut pas supporter sa vie. Alors, nécessairement, il y a toute une mécanique qui va faire en sorte qu'on va le déconnecter. L'être humain qui se réveille, plus il va se réveiller, plus il va se rendre compte qu'il vit dans toute cette mécanique-là. Bon, en l'an zéro n'existe pas, l'an zéro. La planète Terre était là depuis des fois 4 milliards, presque 5 millions d'années. Ça n'a pas grande différence. C'est là 2000 ans, là, ça faisait 4 milliards, 5 millions d'années qu'on était là. Et aujourd'hui, ça fait 4 milliards, 5 millions d'années. En 2000 ans, ça fait 4 milliards, 5 millions d'années. D'accord. Avant qu'on passe aux 7 millions, je veux dire. Si on réveillait les dormeurs, là, c'est parce qu'ils nous avaient perdus? Non. Parce qu'ils nous ont trouvés? Non. Il y a beaucoup de rationalisation dans ce que tu dis là. C'est pas mauvais. J'explique simplement que ça ne fait pas partie de la pureté de la réalité. Bon. Les rationalisations ne sont pas nuisibles à la condition qu'on sache que ça en est. Par exemple, à un moment donné, dans le contexte planétaire, disons qu'on formerait la cité of ça, nécessairement, on va dire, bon, ben, pour arriver à se gérer du point de vue politique, on va établir que c'est comme ça que les choses doivent se faire. Sauf que nos lois doivent être écrites comme sur des feuilles des arbres, c'est-à-dire que à chaque année ou à chaque 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, à un moment donné, on doit reviser si le concept planétaire qu'on amène, qui nous permet de nous ajuster sans souffrance au contexte actuel du Reich, donc du 20e siècle, si ce contexte-là est encore utilisable, encore correct. Sinon, on change complètement. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ça change aussi à l'échelle de la planète Terre, sauf que le contexte implanté fait tout pour empêcher le changement. Et si le changement persiste à travers le contexte, là, on changera le contexte. C'est idiot. Évidemment, ça fait qu'on avance. On avance à une vitesse, un pied sur la pédale de frein, puis un pied sur la pédale de sur l'accélérateur. Ça use tout. Ça avance pas vite. C'est ça, ou en première, minimum. Donc, on doit comprendre qu'il y a des formes intéressantes qu'on doit descendre ici, et on ne doit pas, parce qu'on est des mentalisateurs ou des mentalisatrices, essayer de faire sauter toutes les formes. Des formes qui sont utilisables actuellement. Bon, si dans ma tête, moi, je sais que la maladie est une illusion, je n'irai pas dire aux chercheurs en médecine, cessez de chercher mes médicaments pour le sida. Quand les gens vont comprendre que c'est une farce, ils vont cesser d'être malades. Oui, on va peut-être être exterminé sur la planète Terre avant. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu le comprends, mais toutes les structures planétaires ne le vibrent pas, ne le comprennent pas, n'y croient pas, ne le savent pas. Ce n'est pas applicable. Et autre chose, il y a une mécanique. Présentement, quand on va être capable d'un processus de miracle, quand on va contrôler le bâton du temps. Parce que pour être capable, par exemple, de te rajeunir, il faut que tu puisses bouger tout un paquet de choses dans le passé. Alors, ce n'est pas une question de dire je le pense, je le veux, je le sais, je le sais pas ça. Ça, c'est le début. C'est le début. Faut que j'y aille et bouge. Il faut que tu bouges une partie. Bon. Alors, il faut que l'humain comprenne qu'il y a donc des formes utilisables. Je vais encore amener des formes, des néotypes. Je vais utiliser des formes. Sauf que si on me pose une question, par exemple, est-ce que ce que tu dis là est totalement vrai? Est-ce que c'est absolu? Est-ce que c'est absolu? Ça va être non. Ah, voilà. Bon. Maintenant, est-ce que c'est utilisable? Oui. Oh, on serait bien mieux de tout éliminer ça? Non. Pourquoi c'est pas absolu? C'est pas absolu que la forme, même la forme, tout le contexte dans lequel on est un contexte qui n'existe pas, du point de vue de l'absolu. C'est existentiel. Bon. Quand je vais avoir le pied guéri, est-ce que j'aurai encore besoin de mes béquilles? Non. Mais j'ai pas besoin de béquilles, d'abord. Si tu auras besoin d'un plâtre. Parce que tout ça, là, ça fait partie de la prison. La prison intérieure, la prison dans laquelle l'humain est, on a parlé de certaines choses, justement, à la conférence de vendredi. Si on touche, par exemple, un autre exemple de la prison, par exemple, j'ai déjà parlé du syndrome de l'électron. Ça fait partie de la prison intérieure d'une façon incommensurable, c'est-à-dire que l'être humain est orchestré avec un paquet de senseurs, un paquet de sondes, partout où vous ne voulez même pas avoir de sondes. Alors, j'ai une sonde en dessous ici, j'ai une sonde dans le visage de l'autre là-bas, j'ai des sondes partout. Alors, je roule sur l'autoroute, je m'en vais lentement, puis à un moment donné, il y a une personne qui passe à droite, moi je roule au centre. Et là, il y a quelque chose dans l'astral qui me dit, c'est interdit de dépasser à droite. On t'accélère un petit peu, immédiatement t'accélères un petit peu. Là, si tu gères, c'est idiot. Mais en dedans, tu accélères encore pour l'empêcher de dépasser. Parce qu'il n'est pas correct. Mais c'est une feuille poussée par le vent. Ça ressemble à une automobile. C'est une feuille poussée par le vent. Comment peux-tu penser instruire une feuille poussée par le vent que même s'il vend à 115, elle devrait voler à 100? Ou voler à gauche, à 115. Mais c'est ça qu'on fait. Oh, je vais donner une leçon. Ça, c'est quand tu es réellement brut, de donner une leçon. Mais ça apprend jamais rien. Ça apprend qu'à la prochaine fois, il va... Bon, c'est bon. Et là, tu te gères. Oui, mais c'est pas correct. Tu te rationalises pour accepter ta manipulation. Et subitement, pour empêcher quelqu'un de faire quelque chose de pas correct selon la loi, de te dépasser à droite, tu roules à 140, au centre, il roule à 135, il ne dépasse pas. Tu es totalement hors la loi. Puis le rêve, mais c'est de... C'est pas pareil. Le rêve, c'est d'essayer de le coincer pour qu'il aille. Dans quelque part. Si après ça, il sort à une sortie, puis une autopatrouille qui t'arrête, là, tu te chies là-bas, puis Ça, c'est le syndrome de l'électron. On est dans une prison phénoménale. Pourquoi ne peux-tu pas laisser les feuilles voler comme elles ont à voler, sans penser que tu dois instruire chaque feuille? Là, socialement, tu vas dire, oui, mais si on n'instruit pas l'humain dans la société, on ne peut instruire que ceux qui viennent à l'école. La vie va se charger des autres. Ça veut dire, les adultes qui viennent à une conférence peuvent avoir de l'instruction. Les jeunes qui vont dans des endroits où il y a de l'instruction auront de l'instruction. On peut instruire notre jeunesse, on vit avec elle, on vit à côté d'elle, et on peut instruire de certaines choses. Quand c'est le vent, on peut exorciser, évidemment, mais là, on parle en être humain intelligent. Je rencontre quelqu'un qui est toujours correct, puis à un moment donné, subitement, est totalement parti. Il y a des entités qui sont dedans. C'est évident qu'on peut l'aider. Pas l'aider en faisant faire une cure. Là. On va brosser de la merde en masse, la personne va revenir à travers ça, elle va être mélangée énormément. Je comprends, mais en même temps, il me semble qu'elle est en train de revenir. Là, tu brosses encore comme il faut. C'est sûr qu'elle peut être déprimée, tu l'aides, elle a besoin d'énergie astrale, elle a besoin d'énergie physique, d'énergie vitale, on l'aide. On parle d'une vraie cure. Là. Une affaire qui dure deux, trois semaines, puis quand elle sort de là, elle est mieux qu'avant. Elle n'est pas rien en guirlandais, elle est lucide. Bon. Les animaux vont dire, ah, ben, ça y est, ils ont lavé le cerveau. C'était bien mieux quand elle se droguait qu'elle se suicidait. Ça, c'était bon. Là, au moins, elle allait voir Dieu, tu sais. Ou Krishna, diront certains autres. Syndrome de l'électron, c'est ça. On n'est pas encore capable d'admettre qu'il y a une manipulation externe. On n'est pas capable d'admettre que tout le monde n'a pas la structure de compréhension. Alors, on passe notre temps, malgré tout, à vouloir que l'autre comprenne, que l'autre comprenne, que l'autre comprenne. On parle de tout, n'importe qui. Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un qui jette ses cochonneries à terre, tu vas l'engueuler. Socialement, est-ce que c'est le rôle de celui qui se réveille? Non. Le rôle de celui qui se réveille, c'est pas de l'engueuler l'individu qui vient de jeter ses papiers, c'est de s'arranger pour instruire la jeunesse avant l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, la majorité des jeunes sont tués, sont carrément éliminés, ça devient des adultes. Avant l'adolescence, là, celui qui est conscientisé, celui qui se réveille, va s'arranger pour trouver des façons, pas de faire la morale, d'instruire de l'intelligence d'eux. Il y en a qui sont pas assez intelligents parmi la jeunesse parce que c'est des personnes, c'était des rêveurs qui font pas partie de ceux qui vont se réveiller. C'est des personnes qui occupent la place. Ils vont devenir des adultes parce que, bon, c'est comme ça. Et tu vas réveiller ceux qui vont se réveiller. Mais une fois pendant l'adolescence, tu dois t'arranger pour les paramétrer suffisamment. C'est là que c'est le plus gros danger. Il meurt à peu près tous nos jeunes. Et après ça, ils deviennent un adulte. Puis ça peut être le jeune. Là, ils deviennent souvent un endormi, plus endormi. Autrement dit, il a pris des Valium à l'adolescence. Fait que déjà qu'il dormait quand il était jeune, il prend des Valium pendant qu'il rêve. Après ça, il dort vers... Donc, ils sont réveillables encore, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ce que l'humain doit faire, on parle de prison intérieure, là, pour faire un petit peu parler d'une autre forme de prison intérieure, c'est le syndrome de l'électron. Les personnes fument, tu mets un ventilateur, tu t'arranges ton corps, des personnes rentrent dans ton automobile, ils ne fument pas, c'est ton espace vital, animal ou pas, hein? Acteur ou pas acteur, personnage de soutien ou pas, ils ne fument pas chez toi. Parce que toi, tu ne fumes pas. Bon, c'est simple. Bon. Si c'est une personne qui se conscientise, ça comprend. Bon. Si toi, tu fumes, puis tu veux la forcer à fumer, si c'est un spectateur, il va fumer. Si une personne qui se conscientise, elle va prendre un taxi. Elle embarquera pas dans ton automobile, dans ton espace vital, elle ne touchera pas. C'est très, très important en termes de bebel. Il se passe n'importe quoi, il pleut, tu renverses de l'eau. Tout ce qui se passe autour de nous fait partie de toutes les sondes qui ont été placées un peu partout, uniquement pour nous nuire, parce qu'à chaque fois, on est pris par ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les pires sondes, ça va être les sondes sur... l'être humain. Par exemple, tu te promènes, toi là, quelqu'un va dire monsieur, les toilettes sont où? C'est frustrant, il te prend quelqu'un qui travaille ici. Ouais. Parce que tu as une boucle. Bon. Et là, où tu la boucle, où tu lui dis, je ne sais pas, je ne travaille pas ici, je m'en vais là-bas. Mais tu peux être frustré. Pourquoi? Écoutez, il y a une goutte d'eau qui tombe sur le nez, pouf, elle pensait que c'était une rivière, tu sais. Le vent l'a amené là. Bon, il n'est pas tombé à bonne place, tu sais, il est venu. Bon. Puis nous, on en fait un plat, le moindrement qu'on considère que ça peut être intelligent, on en fait un plat. Alors, on se fait ramasser énormément dans la prison pour concevoir que tout le monde est capable de comprendre ce qu'il faut. Et plus on va se conscientiser, plus on va exiger. Et on va souffrir encore plus. Ils sont pas subtils, ils n'ont pas d'intuition dans l'intelligence, ils n'ont pas d'intuition en face de l'expérience réelle. On est toujours mal pris. Bon, moi j'ai déjà fait ça à un moment donné, j'étais à une conférence, et puis des professeurs dans un hôtel, puis je pense qu'il y a moitié de la salle qui, avant la conférence, il y avait plusieurs ateliers, qui m'ont demandé est-ce que je peux trouver, est-ce que je peux téléphoner, où est-ce que je peux faire une toilette. Puis là, ben moi, j'avais visité la place, là. Puis là, je leur disais tout ça. Bon, pensez-vous qu'on peut fumer ici? Je l'ai dit par carte non-fumeur, etc. Quand on a commencé la conférence, ils me présentent, j'arrive en avant. Il n'y a personne qui me reconnaît. C'est subtil. Alors, j'ai fait une farce, j'ai dit, bon, effectivement, et pour ceux qui veulent savoir si on peut manger à dîner à telle place, j'ai dit, je ne savais pas, je me suis renseigné, et puis effectivement, vous allez pouvoir le faire. Là, ça va. Là, ils m'ont reconnu, là. C'était juste drôle. Ouais. Mais là, celui qui est frustré, celui qui est mal pris, celui qui se défend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il promène sur la rue, là, bien des grandes oreilles, bien laid, bien vieux. C'est tout des sombres, ça, là. Et nous, on doit être détachés, on est dans une prison, parce qu'on est toujours confronté à bouger en fonction des mouvements extérieurs. Bon, alors, c'est toutes des feuilles qui volent au vent. On n'en a rien à foutre. Mais les paramètres de la prison, c'est la terre ou l'égrégore national ou c'est l'homme. C'est l'homme. Eh oui. Mais tu te promènes dans un chemin, tu arrives près de chez toi, puis un choc traverse la rue, qu'est-ce que tu fais? Je crois. Mais non, honnêtement. Je me promène, puis. Fais voir un auto, là, puis un choc traverse le chemin. Bon, je vais essayer de l'éviter. Bon, tu vas ralentir, tu vas l'éviter. Tu vas l'éviter, ça sera la même chose à faire. Tu vas ralentir, tu vas le contourner, tu vas faire des choses comme ça. Mais est-ce que tu vas gueuler après le choc? Non. Si c'est un humain qui traverse la rue, cette place-là, sans regarder. Non, mais vous voyez, là, c'est ça le foutu problème. Là, bip, bip, boum, c'est ça, là, on n'est plus capable, on n'est plus nous autres, on est fait. Mais il ne comprend pas plus que le chat. Le chat va dire, oh, ben, beau petit minou, bon, t'as dit, fais attention. Quand t'es animé, tabarnouche. Il y a un écureuil sur le chemin, là, tu vas le contourner lentement au cas. Hein? Il y a un adolescent sur le chemin, là, que ça dit, il s'en va, regarde, on pousse, non. Pour l'éduquer. Parce que moi, j'avais, je ne sais pas si c'est bon le concept, mais j'ai une prison, puis dans chaque, il y a des cellules dans les prisons. C'est-à-dire que la prison est changeante sans arrêt. C'est que la prison, c'est une prison subtile. Tu es exactement dans un immense désert. Il n'y a pas de prison. Regarde bien ça, comment tu es en prison, mon ami. Ça va bien. Tu marches, là, t'es mûr. Et quand tu regardes partout, c'est libre. On marche par là. Tu marches par là. Et à un moment donné, ben là, il y a un autre mur. C'est la petite mur, c'est déplacé, c'est placé là. Ben là, on va. Ah, ici, il y a une porte. On va rentrer par là. T'es pas en prison, toi, là. Tu vas où tu veux. Sauf que tu n'iras jamais où tu veux. Où tu veux. Tu vas où tu peux. Ben oui. Où tu peux vouloir. Puis là, ça arrange. Fait que t'es pas en prison. Puis en mentalisant, bon, c'est toujours. Ben, mentalisant, on va trouver des stratégies. C'est par la porte que je vais passer, c'est ça. Ben oui, c'est évident. C'est on va trouver. Pourquoi il y a tant d'insectes? C'est pour nourrir les oiseaux. Pourquoi il y a tant de moineaux? C'est pour bouffer les insectes. C'est une question d'équilibre. Ouais. Ben voyons donc, tordieux. Les moineaux ont commencé à bouffer des insectes. Il y en avait tellement qui volaient que les granivores, quand ils volaient, là, ils n'avaient plein la gueule. Bon, mais ils ont bouffé. Puis par mutation génétique, c'est devenu des insectivores. Ils ont fini par aimer ça. Ben c'est ça. Tu sais, les automobiles, c'est un très, très grand prédateur d'insectes. Ben, c'est vrai, ça fait partie, ça, c'est il faut y penser. Et là, on va dire, c'est tellement bien fait la nature que les oiseaux et les insectes se reproduisent à coups de millions. Pour. Ben oui, c'est sûr, c'est pour nourrir les oiseaux. Non, c'est pas vrai. Si les oiseaux mangeraient d'autres choses, les insectes qui se produiraient à coup de 15-20. Mais ils meurent. Fait que les rares insectes qui se reproduisaient beaucoup ont été ceux qui ont survécu à l'agression des insectivores puis des poissons insectivores. Et puis voilà. Puis là, nous, on va rationaliser et on va expliquer la béatitude de la nature alors qu'on n'en a vraiment rien à foutre. C'est tout faux. Tout ça, c'est faux. Dernièrement, ils ont découvert une grotte. Dans cette grotte-là, qui est à 35 mètres sous le niveau de la mer, avec un couloir ascendant de 150 mètres à peu près, ils ont découvert des dessins qui datent de plusieurs milliers d'années. Et dans cette grotte-là, il y a des dessins de reines, par exemple, qui ressemblent d'animaux qui ressemblent beaucoup aux grottes de Lascaux. Alors les gens, les scientifiques pensent que c'est peut-être un traquenard. Sauf que c'est impossible ou à peu près actuellement qu'on ait pu faire ça là. Ils ont découvert aussi des mains, des pingouins, c'est les seuls connus à l'époque, actuellement. Puis une immense, puis la grotte, il y en a des affaires là-dedans, que si c'est un traquenard, ils ont travaillé une vie ou deux. Mais en plus, ça semble être vieux. Il y a un paquet de places où ça a été dessiné, que ça a jamais été foulé par l'humain, de la poussière à terre, fait qu'ils savent bien qu'eux. Mais il y a plein de bizarreries. Tout est mélangé, un peu comme si les Cro-Magnons, les Néandertaliens, les Australopithèques, enfin tous ceux qui ont dessiné, sont ramassés là à un moment donné, gros colloque. Là, ils ont fait des dessins. On a des dessins de mains, mais à un moment donné, on retrouve un dessin d'avant-bras avec la main. On ne l'a jamais vu. On a une main en positif, c'est-à-dire une main qui aurait été dessinée, mais avant, il contournait la main. Ah, il passait peut-être des lignes sur une autre main. Puis là, on s'amuse. Mais là, beaucoup plus au nord, dans un autre pays, ça n'a rien à voir, ils ont découvert un homme gelé. Ça, c'est un homme, bon, probablement qu'il daterait de 5000 ans. La problématique, c'est que on pensait que c'est dans un endroit où il y a des glaciers, et puis dernièrement, le glacier se retire régulièrement, redescend, il se retire. En se retirant, il libère des alpinistes qui sont morts, des skieurs qui sont morts. Il a libéré quelques personnes, plus un singe. Ce sont les vestiges d'un écrasement d'un avion d'Air India, là, 60 ans, là. Et il libère ça. Mais le glacier, quand il bouge en lamelles. Fait que normalement, s'il y a un corps là-dedans, le corps est sectionné. On retrouve des mains, des têtes, des pieds, un morceau de bon. Le bonhomme, il a trouvé intact. Après quelques milliers d'années, intact, mais il est dans une cuvette. Fait que c'est possible qu'il ait été épargné par le glacier. On a trouvé une paire de bottes avec du foin dedans, on a trouvé un arc, on pensait que c'était un skieur, on a trouvé un arc dans des cavernes, des flèches, bon, des cossins de même. Puis c'est à l'air assez authentique, on a découvert un chat. Tout est momifié. La problématique, c'est que la momification dans la glace noircit la peau. Lui, sa peau est brune, comme s'il avait été momifié dans le sud, où c'est sèche et chaud. Il y a un sac avec lui. Quand on met de l'eau dans le sac, l'eau passe à travers. C'est une momification raisonnable. Sa peau, lui, elle est imperméable. Donc, deux momifications différentes, mais c'est son sac à lui. Il a les yeux. Première momie avec des yeux. En plus, il est dehors dans la nature. Les prédateurs, la première chose qu'ils viennent bouffer, c'est les yeux. Il y a 4000 ans qu'il est là, apparemment. Là, ce qui est intéressant, quand je vous dis... Juste avant, là, est-ce que ça a un lien, ça, entre ce qui est... Ça l'apparaît quand on en a besoin. C'est ça. Quand je dis que nous refaisons l'histoire et que les choses se mettent à exister quand l'humain en a besoin pour expliquer, pour rationaliser. Étant donné que présentement, nous, puis souvent on a l'impression qu'on ne fait rien, vous n'avez aucune idée de la puissance du travail qui se fait dans l'astral avec le super Genesis, avec certaines autres réunions qui se font, il se brasse des choses. Alors, étant donné que présentement, il y a plusieurs individus ont tendance à travailler actuellement dans d'autres adresses temporelles, pour l'humain, ça reforme le passé. Ils viennent de découvrir de nouveaux dinosaures ailleurs. Ils viennent de découvrir une nouvelle cité, Inca Toltec, où ils ne savent pas trop au Mexique. Puis là, on parle de paquets de maisons, des pyramides. Non, mon jeu, là. C'est tout actuel, celui-là. Que jamais personne n'a vu. Non. Ils ont découvert dernièrement l'endroit où la météorite qui aurait tué les dinosaures serait tombée. C'est actuel, celui-là. Il y en a plein comme ça, il y en a plein. Ils ont découvert le séismosaure, il n'y a pas tellement longtemps, en Alberta, puis quelques semaines aux États-Unis. C'est comme un brontosaure, mais c'est à peu près 10 fois plus gros. Bon. Alors, le diplodocus devait être ce qu'il y avait de plus gros. Ça, c'est ça peut brouter des fleurs sur le toit d'une maison de 4 étages, si on met des fleurs. Mais alors que le sismosaure, lui, il est énormément plus gros. Bon. Il découvre tout ça. Pourquoi? Parce que présentement, vu que le passé est en train d'être fait, dans pas grand temps, ils vont découvrir des manuscrits qui expliquent que le Nazaréen n'est pas mort crucifié. Écoute, les rôles Paul. Ah, ils vont trouver que c'était peut-être... bon, c'est ça. Et ça va changer l'histoire. Mais là, présentement, là, ce qui est intéressant, c'est que dans deux endroits totalement différents, c'est sûr que l'explication la plus scientifique, ça va être supercherie. Au début. Supercherie inexplicable. C'est le rôle des sceptiques. Il y a un homme de Cro-Magnon, probablement avec une femme de Cro-Magnon, qui ont fait monter une supercherie extraordinaire pour les futures générations. Et ils ont été visiter les grottes de Lascaux. Et ils ont ramené des mémoires, ils ont copié. Et un jour, dans leur grande épopée planétaire, ils ont été agressés par un pingouin. C'est-à-dire le premier animal en redingote qu'ils avaient vu. Alors, ils l'ont dessiné comme ça. Et puis, bon, l'homme des cavernes, c'est un peu la même chose. Eu un arc du Néandertal, une botte du Jurassique, tuée en peau de dinosaure. On est en train de refaire l'histoire. Les archéologues retrouvent des choses. C'est évident que on n'est pas chanceux là-dedans. Celui qui a découvert le bonhomme dans la glace, c'est un gars qui recherchait les Yétis depuis longtemps. Alors, ce qui fait qu'on n'est pas trop sûr de lui. Tandis que l'autre bonhomme, c'est un bonhomme bien ordinaire, c'est un plongeur, sauf que lui, il n'a pas parlé de sa découverte. Ça s'est su. Il y a 4 plongeurs qui ont été pour aller voir, il y en a 3 qui sont morts là-dedans. L'homme des cavernes, il y en a un qui est mort dernièrement, un professeur qui a commencé à l'étudier, il est mort d'un accident d'avion. Tu sais, pourquoi? Parce que comme tout en Camon, on ne veut pas trop, il se passe dans l'astral des choses. On s'arrange pour que ça... Mais c'est comme si là, effectivement, il est en train de se créer ce que l'humain aura besoin prochainement pour expliquer une autre version de son historicité. Bon. Alors, c'est tout à fait logique. Ça fonctionne. C'est pas de la théorie, c'est difficilement compréhensible souvent. Là, on est en train de découvrir des anachronismes historiques. Un homme des cavernes mort à côté d'un poste de radio qui date toutes les deux. Ça fait partie, ça, de nous, ce qu'on fait actuellement en tant que groupe. Est-ce que ça a une influence directe? Pas en tant que groupe, c'est en tant qu'individu. En tant qu'individu, ça a dans plus le groupe. De puissance si on est ensemble. Oui, c'est ça. Ça, je voulais dire. Est-ce que ça fait partie de ce qui change l'histoire actuellement? Absolument, c'est évident. C'est nous qui changeons l'histoire. L'humain, il se pense où, médiocre. Parce que l'histoire, pas. ça existe. Non, l'histoire, c'est ce que je vis, c'est ce que vous vivez actuellement dans d'autres adresses spatio-temporelles. Ce qu'on vit actuellement. Alors, nécessairement, plus je me change, moi, plus j'informe celui qui me précède en termes de temps. Donc, il vit actuellement. Et il vit différemment. Ma jeunesse est remodelée. Bon, mes autres vies sont remodelées. J'ai pas le choix. Quand je suis parvenu à m'entendre avec Gauvin, ben, on s'entend là-bas. On va communiquer. Les vieilles sorcières, les vieux sorciers, tout un paquet de monde. Les affaires de karma, ça s'adresse à l'astralité dans l'homme, à son égo. Mais l'être humain est capable d'aller changer les choses dans d'autres adresses temporelles, puis finalement au niveau du karma et du coup. L'être conscient, j'ai toujours dit, c'est que quand on n'a plus de karma, c'est quand on est libéré du temps. Libéré du temps, tu n'as plus de karma. Tu n'as plus de mémoire non plus. Mais tu vis partout. Tu es pas mal pris. Tu restes. Tu rentres assez souvent. Je vais revenir à la prison, à la cellule que chaque humain a. Qui régit? Quoi? Qu'est-ce qui régit? La prison. Tu n'as pas d'énergie dans ta question. Pas d'énergie? Ça ne monte pas assez. Parce que le qui, c'est une question dangereuse, mais je comprends en même temps que le qui, tu t'en fous. Oui. Il faut que ça transparaisse plus parce que pour arriver à aller me chercher là. Parce que l'humain, il n'y a pas de qui, mais il se passe de quoi. On est pris dans cette espèce de temps, espace-temps. Parce que si on dit c'est le hasard, qui a créé le hasard? Ouais. C'est le hasard. Qui a créé le hasard? C'est la mécanique. Qui a créé la mécanique? C'est rien. Qui a créé rien? Mais qu'est-ce qui? Du coup, si c'est pas qui, c'est qu'est-ce qui? Parce qu'il y a des clés à cette prison-là. Il y a une porte à quelque part, il faut sortir. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Il manque de l'énergie à lui-même. Et maudit que c'est facile de s'en sortir. C'est une connerie, mais il manque de l'énergie à l'humain. Il manque pas grand-chose, mais c'est tellement... Je vais vous expliquer. Comment est-ce qu'on branche un petit peu? Il n'y a pas de lumière ici. Hein? Dommage. J'ai tard. Ça marche pas. Bon, okay. Ça marche pas. Il faudra qu'on aide dans une autre adresse temporelle, quand ils bâtissent la salle ici, là, pour qu'il y en ait... Je vais faire un peu, oui. Ouais, c'est ça. Bon. Je vais dire quoi? C'était pas mal intéressant, en tout cas. Il y a des portes pour sortir de la prison. Ouais, c'est pas là. Des portes. Non, mais c'est pas des portes, mais il y a une... Je sais pas que c'est facile, mais... Oui, c'est ça. Moi, je l'ai tout compris, là. Parce que c'est si facile que ça, pourquoi on le fait pas? Non, il y a une affaire. Parce que c'est difficile. Non. Moi, je... Humain. L'animal humain. Moi, je me porterais volontaire pour l'essayer, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça va venir. Parce que c'est tellement con, c'est tellement idiot. On est pris dans ça, là, l'espace-temps. On est pris parce qu'on reste pris, ça s'en vient mon affaire. On est pris parce qu'on reste pris. Mais bordel que c'est idiot. Voilà, je l'ai, ça revient. Idiot. Cette chaise-là, il faudrait la numéroter. Elle me porte fruit. Ah, je l'ai oublié. C'est idiot. Ah, OK. Merde. Non, non. Tu peux écrire assis. Étant donné que nous descendons sur une ligne verticale de temps, on parlait du passé ici, par exemple, du futur ici, l'inverse était aussi vrai, on s'en fout, bon. On est dans un rêve et ce rêve ne doit pas s'éveiller. Les dormeurs ne doivent pas se réveiller. Si un dormeur se réveille, le rêve tombe. Si le rêve tombe, bien évidemment, tout ce qui est créé à même le rêve n'existe plus. Donc, tout ce qui est créé par le temps n'existe plus. Ça veut dire que la majorité des animaux humains, la majorité des humains vont cesser d'exister. La Terre cesse d'exister, les dieux cessent d'exister, le tout, bref, l'astral, tout ce qui est formé cesse d'exister. Bon. Ici, dans le passé, nous avons joui, nous avons aimé l'histoire. Dans les vieilles religions, on parle des dieux, des demi-dieux, etc., qui se sont fait hommes et qui ont aimé ça. Bon, nous avons aimé, c'est-à-dire que présentement, dans d'autres adresses temporelles, nous aimons être là, parce que nous sommes trop gelés. On aime ça. Fait qu'on aime manger de la viande crue, on aime se battre, on aime s'entretuer, mais la vie, la mort n'ont pas d'importance pour nous autres. C'est là que l'ego a pris le dessus sur la conscience. À ce niveau-là, c'est ce qui est là. Nous, on va, évidemment, si je veux me réveiller, il va falloir que j'aille avertir, il faut que je me réveille partout, dans tout le cauchemar. Mais le cauchemar, c'est pas une localité temporelle, c'est une localité créationnelle. Donc, il faut que je me réveille partout. Je ne peux pas me réveiller parce qu'il y a bien des endroits où dans le rêve n'existent pas les formes que j'utilise aujourd'hui pour communiquer avec ma source, avec moi-même. Autrement dit, ici actuellement, dans ce rêve-ci, il existe des formes, la parole, entre autres, des mots, et il existe des cerveaux, des corps physiques pour être capable de néotyper. Il existe des formes dans le rêve pour me permettre de devenir lucide, donc de comprendre ce que les mécaniques précises et absolues du rêve. Par contre, dans un endroit temporel, 3147 par exemple, là, il y a des formes pour me permettre là de comprendre des choses, Mais quand je communique avec ce que je suis ici, les formes de l'actuel 20e siècle ne permettent pas de comprendre, de rendre intelligible l'information que je me donne. Dans ce que l'humain appelle le passé, les formes qui sont là ne permettent pas la compréhension. La conscience théologique, psychologique, cérébrale, une conscience bidimensionnelle du Moyen Âge en descendant, elle devient unidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas à partir de pas longtemps en descendant encore plus loin. Donc, j'ai de la difficulté à communiquer avec moi là, parce que pour communiquer avec moi là, j'utilise actuellement les formes du cauchemar. Moi, j'en suis à créer des canaux séraphiques me permettant de communiquer avec moi. Donc, je vais passer au-delà des formes et je vais réveiller, conscientiser, me réveiller moi partout à travers le cauchemar global, la création. Et je vais pouvoir sacrer mon camp. Bon. Présentement, nous avons créé, à travers le rêve, on va dire il s'est créé, toute une mécanique pour obliger ceux qui vont se réveiller rendus à un certain moment donné de la gestion temporelle, pour obliger ces gens-là à ne pas se réveiller. C'est-à-dire, il y a toute une série de mécaniques qui sont engendrées pour empêcher le dormeur de s'éveiller. Ces mécaniques-là font partie de la tradition, donc du passé. Et dans cette tradition-là, ici, on aura la première tradition, sera une tradition psychologique basée sur la peur, basée sur la culpabilité et basée sur la dissonance cognitive. D'un coup que je me trompe. Bon, c'est pas une vraie peur, ça. Avoir peur de se tromper, c'est pas la même peur. T'sais, j'ai peur que ça arrive pas. Mais j'ai pas peur, là. J'ai peur, ça arrive pas. On emploie le mot peur sans arrêt. Alors, la peur de se tromper, tout d'un coup que je fais le mauvais choix. T'en fais pas de choix. Quand tu fais un choix, c'est petit. Bon. Mais on a peur. Alors, ici, on aura donc la psychologie. On va avoir une série de mécaniques au niveau moral. Est-ce que c'est bien ce que tu fais là? Est-ce que c'est correct? Là, l'un des grands vecteurs du passé a été « Tu peux faire ce que tu veux, tu es un être libre, tant que ça ne te dérange pas autrui. » Évidemment, on s'arrangeait dans l'astral pour que autrui soit tout le temps dérangé. Oui, il faut toujours que le neuf soit accrédité, c'est toujours oui. la même chose. C'est ça. Tu peux te conscientiser si ça ne dérange pas ta femme. C'est ça. Ça ne dérange pas tes enfants. Ça ne dérange pas ton voisin. C'est fatigué. Tu sais, tu veux faire du yoga sur ton balcon, tu veux faire du tai chi dehors dans ton gazon, puis les voisins sont tous là, t'as recapté, là, puis je te demande dans quel sac que t'es. Là, tu déranges les voisins. Tu sais? Alors, si tu sors avec une bière, puis tu subes un peu, tu ne déranges personne. Ça, tu peux évoluer là-dedans, tant que tu veux. Mais si c'est t'asseoir pour commencer à respirer, regarder le soleil, sortir ton télescope la nuit pour commencer à regarder la lune, déjà là, c'est pas pire, ça dépend des endroits. Si tu vas à Chicoutimi pour faire ça, tu vas passer pour un bizarre. Surtout si tu as une moustache, ils vont être sûrs que c'est pas les étoiles que tu regardes. Surtout si tu es là avec ton télescope, ils vont penser que tu ne suis pas une planète. Bon. Puis si l'étoile est à l'horizon, puis qu'il y a des maisons à l'horizon, ils sont sûrs que tu ne regardes pas les étoiles. Ils sont sûrs que tu regardes en bas. Dans les maisons. Bon. C'est nuageux en plus. Ah ben là, c'est couvert. C'est me sens pas trop. Non. Au niveau de la morale, puis la prison intérieure, c'est tout ce qui est créé dans le passé pour empêcher le dormeur de se réveiller. Ça, c'est la plus grosse cochonnerie, là, la morale. Bien, la morale, c'est la gestion de ce qui se doit se passer chez toi. Ça veut dire, dans la morale, c'est sûr que c'est terrible, la morale. Parce que la morale, tu regardes la femme d'un autre, tu la trouves belle. Tu viens de faire un péché majeur en ce qui concerne la morale de plusieurs religions. Si tu la regardes et tu la détestes, c'est admis et raisonnable, c'est acceptable par toutes les religions. Mais si tu la trouves belle, physiquement, ou psychologiquement. Ça, c'est difficilement compréhensible, évidemment, par l'homme, souvent, mais en tout cas, si tu la trouves belle psychologiquement, c'est dans la majorité des religions, ça, c'est répressible. Les musulmans, les catholiques, les chrétiens, les témoins de Jéhovah, les mormons, etc. Ça veut dire, ici, c'est un péché par désir. La morale est un immense, immense, immense frein, jusque-là. Ça veut dire, bon, j'ai peut-être déjà expliqué, les moines, quand ils vont se coucher dans la majorité des temples, on leur dessine un gros panneau de bois sur le corps, hein, avec un trou ici-là, pour le corps. Comme ça, ils dorment sur le dos, et ils regardent le crucifix qui est en haut. Les moines riches, évidemment, ils ont une télécamère, eux autres. Et les bras sont sortis, pour pas qu'ils puissent jouer avec leur corps pendant la nuit. Bon. Ça, c'est encore vrai. Les femmes, les hommes, sans compter tous les instruments qu'ils vont inventer, parce que si le moine a une érection, ça n'érecte pas longtemps, bien sûr. En tout cas, il faut au moins qu'ils soient blindés. Mais ils ont des instruments des divins. Pour amener l'homme à Dieu. Bon. Ça fait partie de ce qui limite l'humain. Il y a d'autres choses qui limitent l'humain. Ce qui va limiter l'humain, puis c'est des choses qui ne sont pas rationalisables très souvent. Oui, mais c'est niaiseux. La personne qui est pognée là-dedans, même si elle sait que c'est niaiseux, elle peut rester prise là-dedans. On aura le racisme, on aura la xénophobie, la peur des autres peuples. Ça va nuire énormément. On aura nécessairement la peur des sexes, c'est-à-dire quoi? Vous rendez-vous compte que la majorité des humains, ça fait partie de la prison intérieure, la majorité des humains sont orchestrés pour avoir peur des gens qui veulent le bien de l'humanité. Les gens qui veulent faire de l'argent, on ne les aime pas. On n'en a pas peur. Socialement, on ne les attaque pas. Quand est-ce qu'il y a de gros scandales faits sur les gens qui ont volé tout le monde? Il y en a un bonhomme qui est très connu, j'ai oublié son nom. De toute façon, vous ne connaissez pas son nom non plus. C'était un millionnaire, un multimillionnaire. Il dirigeait l'empire de la presse en Angleterre, la presse britannique. Il est mort dernièrement sur son yacht. Bon, Maxwell, c'est en plein ça. Alors lui, il avait un défaut, il buvait trop de Maxwell House. Bon. Maxwell, c'est un millionnaire, il est reconnu dans tous les... C'est un Tchécoslovaque qui a immigré, etc. Il a changé son nom pour Robert Maxwell. Il est reconnu dans tous les milieux boursiers, bancaires, comme étant un gars pas fiable. Son nom de code dans les milieux bancaires et boursiers, c'est le Tchèque sans provision. C'est un Tchécoslovaque, alors voici le Tchèque sans provision qui s'en vient. C'est bon. C'est vrai. Quand il est descendu à New York, il y a bien longtemps, il était reconnu, accueilli en héros. Il allait sauver le journal new-yorkais, je ne me rappelle plus du nom. Et puis, quelques années après, tout le monde était rendu à mise à pied, tout le monde était dehors. Il a volé tout le monde. Tout le monde le savait. Tout le monde embarquait avec lui. Il est mort. On se rend compte que son empire est en faillite, mais alors là, complètement... Il a même volé son assurance vie. Même, oui. Puis en plus, tout le système de pension pour ses employés, c'est à zéro, c'est vide. Ça fait longtemps que l'argent est parti. Il y a plusieurs compagnies. Après la guerre, il a commencé à éditer des livres scientifiques édités par les Allemands. Il n'y a pas beaucoup de maisons là-dedans qui éditaient des livres scientifiques. Il a fait beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, ça a fait faillite. Tout le monde a perdu son argent, pas lui. Mais partout, jusque deux semaines avant sa mort, quand il rencontrait quelqu'un, il comptait les pipes qu'il voulait, puis les gens embarquaient. Tout le monde le savait. Mais prenons un télévangéliste. Prenons Pierre Lacroix. Lui, il voulait la porter. Il l'a portée. À un moment donné, qu'il y ait des caractéristiques, des tendances homosexuelles ou pas, ça change quoi? On parle de prison intérieure. Quelle est la problématique de faire affaire avec un homosexuel s'il ne fait pas des avances? N'est pas. À un moment donné, il va faire quelque chose. Il a pris sa douche avec un homme. Apparemment, il n'y a pas 18 ans. Il y a eu 18 ans, pas longtemps après. Mais à l'époque, il y avait 17 ans, je crois. Et là, c'est un scandale. Maxwell, lui, qu'est-ce qu'il faisait, tu penses? Il n'engageait pas du monde. Ça ne dérangeait rien. Il y en a probablement à tuer aussi, Maxwell. Bon, donc, ouais. Il y en engageait en tout cas du monde, des petites filles, peut-être même des garçons. Il paye, c'est pas grave. Quand est-ce qu'on a des scandales? Il n'y a pas de scandale. Il n'y a aucun problème, là. Il y en a eu du monde, puis il y en a du monde, puis il y en a du monde, puis il y en a du monde. Le moins vraiment que quelqu'un s'intéresse à aider l'humanité, on en a peur. Ça, ça fait partie des prisons intérieures lancées par le passé. Pourquoi? On va dire, ceux qui ont voulu aider l'humanité ont peut-être fourré l'humanité trop souvent. C'est faux. Bouddha, les gens en ont eu peur. Il y en a eu. Gandhi s'est fait tuer. John Lennon, c'était pas un mauvais gars. Il a pris de la drogue, il a fait ci, il a fait ça. C'était un maudit bon gars. Usagé, tu sais. Hein? Mais, c'est correct. Pourquoi avons-nous peur de ceux qui veulent aider l'humain? Uniquement parce qu'ils amènent l'obligation de changer. Alors, ça, c'est terrible. Alors, on va les limiter par deux choses. Si tu veux aider l'humain, ça doit être gratuit. Mais si tu te fous de l'humain, tu peux changer tant que tu veux, on va payer. Tu es un guérisseur, toi, là. Tu peux guérir les gens. Toi, tu vas charger 30$ juste pour le parler. Hey, bonjour, 30$, merci, voilà. Bon, je vais charger, je peux le faire, je peux le faire. Bon, passe la semaine prochaine, 30$. Ils vont, tu te trouveras. C'est plus que ça, tu leur charges 50$. Là, ils reviennent quelques temps après, puis là, tu as une petite tumeur, là, puis on va dire, donc, tu tripotes ça un petit peu, puis ça s'en va. Là, tu leur charges 75 000$. Ou tu charges ça à la société, ils vont-tu crier? T'es un médecin ordinaire qui se fout royalement de savoir si le patient s'en sort ou pas. Tu le rencontres, tu regardes les yeux un petit peu, tu fais clic-clic, 50$, tu l'envoies à un spécialiste. Le spécialiste s'en vient là, à un moment donné, il va faire une opération autour de la tumeur, ça coûte 75 000$ en société, mais il n'y a pas de problème. Toi, si tu te sers de ton magnétisme, tu n'as pas le droit de demander d'argent. Si c'est en psychologie, tu es un psychologue, charge tant que tu veux. Mais si tu n'es pas un psychologue, tu fais de la consultation, tu es un maudit voleur. Ça, je disais tantôt. Même si tu as des résultats, ça n'a rien à voir avec les résultats, là. Ça, c'est ce qui va nuire énormément. C'est pour ça qu'à toutes les fois qu'on apporte du nouveau, il faut se faire accréditer par un paquet d'affaires ou un paquet de la mécanique. Oui, la seule façon d'être accrédité, c'est de les transformer aux autres, parce qu'ils ne peuvent pas être accrédités de par leur nature. C'est nouveau. De par la nature, c'est ça. Il faut que ce soit vieux. Bon, moi, on me demande souvent, quand on regarde mes livres, « Oui, mais il n'y a pas de bibliographie à la fin. » Pas. Moi, je leur ai dit, « Écoutez, il n'y a pas personne qui a écrit là-dessus avant moi. » Vous allez les en mettre une quand même. Tintin. Non, mais bibliographie. Il y a des gens que j'ai diplômés pour travailler avec des enfants Teflon. Ils sont reconnus, ils sont diplômés par Daniel Kemp. Et moi, j'ai pas de diplôme. Alors, au début, quand j'ai commencé, c'était un problème. Avez-vous des diplômes? Non. On allait voir un monsieur ici à côté. Avez-vous des diplômes? Oui. Diplômé de M. Kemp. Un diplôme? Bon. Là, quelqu'un de correct. Le diplôme, pour savoir d'où ce qui vient, as-tu passé par la phase méritoire d'avoir un diplôme? Alors, dernièrement, c'est ce qu'on s'est dit. Là, il y a Mme Poisson, Annie Poisson, qui écrit des livres. Fait que moi, je vais mettre biographie, son livre. Elle va mettre biographie, mes livres. Au moins. Dans ce qui nuit énormément, ce qui vient du passé, secte. Ça, c'est mortel. Pourquoi? Parce que ce qui va arriver, c'est que le moindrement qu'une personne est anormale et qu'elle veut aider l'humanité, qui a aidé, il faut s'entendre, c'est pas qu'elle veut aider. Elle aide l'humanité. Elle aide l'humain. T'sais, une affaire stupide, elle trouve ça stupide. Bon, mais ce qui nuit à l'humain, même chose aux insectes, ou aux cheval, aux bœufs, n'importe quoi. Bon, quelqu'un d'intelligent. Tout ce qui exprime l'intelligence. Oui. Bien, nécessairement, ça va aller dans la voie d'améliorer le contexte planétaire. C'est pas une question émotive. T'sais, tu veux aider l'humain, toi, ah oh, oui, en maudit. Mais si une seconde volante arrive, t'es sûr que c'est bon, hein, au yob l'humain, hein, tu sais que ton cas de suite. Tu ne veux pas aider l'humain. mais tu vas quand même tout faire pendant que tu es ici pour que ce soit esthétique. Pas pour aider l'humain. Pour améliorer mon cadre de... Améliorer l'affaire au complet, parce qu'il est logique, c'est simplement banal. Si t'es un marginal, un anormal. Si t'es deux, t'es marginal, puis si t'es plus que deux, t'es une secte. C'est social. Alors, immédiatement, les parents de ceux qui se réveillent, les parents de ceux qui avancent vont dire, t'es une secte. Alors que toutes les sectes le disent, nous sommes une secte. Et si quelqu'un dit, non, on n'est pas une secte, les gens vont dire, hey, ça, c'est une secte dangereuse, ça ne tombe pas. Le moindrement, ça va être le patron, ça va être l'entourage, ça va être les enfants, ça va être n'importe quoi. Puis de temps en temps, même les individus qui sont dedans, pas dans la secte, sont dans la conscientisation, qui sont dedans et qui sont clairs, peuvent même se poser la question, à un moment donné, c'est une secte. Le gros mot du problème, ça va être ceci. On est un groupement, par exemple, on est une grosse compagnie, puis on évolue comme on fait présentement. Disons, c'est le groupe financier Investors. Et puis là, je dis, dans nos bureaux, on veut que personne fume. C'est typique des sectes, ça, c'est typique des sectes en tabac. Nilkem, il décide que... Air Canada décide que sur les vols, personne qui fume. Ah, c'est une compagnie, c'est une compagnie, c'est... Ça, même, c'est... Mais eux n'ont pas l'air à travailler pour le confort de l'humanité ou pour comprendre des manipulations astrales. C'est un des gros problèmes, prison intérieure toujours. Jamais être sûr d'eux. Il y en a d'autres qu'on va revenir un petit peu après. Il faut de l'énergie. Oh, on fait une petite pause.